Thank you. Thank you. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Paco. Bonsoir John. Bonsoir Baltan. Bonsoir Rick Face. Bonsoir Transistor. Transistoff. Ou Pierrot. J'aime bien les noms que vous avez sur Ninja. Transistoff, Octo, Pierrot. Pierrot, Pierre. Bye. Si c'est la tempête, la marée haute. faute, si c'est la tempête, la marée haute, dans ta tête, c'est tant et si t'en veux, un marée comme tu veux. Quelques soucis parfois avec les pilotes asiaux. Chez moi des fois ce n'est qu'un. Désinstalle Asio. Asio 4 là, Asio for all, je sais pas quoi là, et que je réinstalle. Le pilote de ma carte son, allez-y, en lui c'est même pas la peine, il va rien savoir. Thank you.

Mm-hmm.